Chapitre 37e. La vengeance implacable. Miss Eden reprit sa promenade. Elle fit signe au domestique qui la suivait de ramasser la cravache de son ennemi vaincu. « Allons, » se dit-elle une fois rentrée chez elle, « c'est bien la guerre à outrance cette fois. Mais que cette femme ne touche pas mon enfant si elle tient à la vie. » Cependant, la belle Flore avait laissé dans sa rage échapper une parole imprudente. Et Miss Eden pensa, « Cette femme a menti, elle ne sait pas où est Darling. Je suppose que lui ne lui a pas montré Darling. Elle disait cela pour me torturer, pour se venger. » Mais elle réfléchit. Cependant, si elle dit vrai, si elle sait où est Darling, ou alors tant mieux, car par elle, en m'attachant à ses pas, je saurai où mon enfant. Et elle ajouta, « Cette femme a eu tort de me dire cela. Elle ne sait pas comment une enfant de la prairie peut suivre. Et avec quelle patience que rien ne rebute son ennemi. » D'une rame rapide et décisive qui venait de se dérouler ce matin au bois, quelques instants après qu'il eut quitté la belle Flore, le clown Fungetti ne soupçonnait rien. Après avoir conduit son cheval au cirque, il était allé prendre un apéritif au bar américain avec ses amis les sportsmen, et rentré chez lui, il avait déjeuné. Maintenant, il fumait tranquillement son cigare en savourant doucettement son café, comme un homme paisible dont la conscience sans remords ne trouble pas la digestion. Renversé dans un profond fauteuil anglais, Fungetti rêvassait dans une somnolence ouatée. Tout à coup, le timbre électrique de la porte d'entrée résonna plusieurs fois à coups pressés, nerveux. Et sans que le domestique ait eu le temps d'annoncer qui venait ainsi, la porte du fumoir où se tenait le clown s'ouvrit brusquement et la belle Flore parut. « James » cria-t-elle en rentrant. « James, il faut nous venger tout de suite !» Fungetti, à la vue de la belle Flore, poussa un cri d'épouvante. La belle Flore avait la tête entourée de bandelettes. Elle était méconnaissable, car ce qu'on apercevait de sa figure apparaissait gonflée, tuméfiée, congestionnée, horrible. Mais la belle Flore connaissait bien le cœur de l'homme. Elle savait qu'en se montrant ainsi, affreuse, avec son pansement, mais dans les premiers instants de sa blessure, Fungetti verrait moins sa laideur que sa souffrance. Il éprouverait non de la répulsion, mais de la pitié. De la pitié pour elle, la victime. De la colère, de la rage contre celle qu'il avait frappée, blessée. Plus tard, le pansement enlevé, la blessure fermée, la cicatrice seule demeurant, c'eût été laid, vilain, et par les yeux de cet homme, serait entré dans son cœur non plus de la commisération, mais du dégoût. Celle qui était la belle Flore voulait encore user du pouvoir qu'elle se savait sur cet homme qu'il adorait aujourd'hui, mais qui demain peut-être aurait méprisé sa laideur. Elle se savait aimée par Fungetti seulement par l'essence, seulement par le charme des yeux. Or, cet amour, le plus ardent peut-être, le plus brillant, mais le plus fragile, ne résiste pas aux défauts physiques, à la maladie, à la vieillesse. La première ride le semble impitoyablement rayée. Seul est inaltérable, éternel, car il survit même au tombeau, l'autre amour dont le charme vient du cœur et dont la puissance s'épanouit dans l'âme. Brusquement, la belle Flore dit à Fungetti qui la regardait, désorienté, abasourdi. « J'ai reçu lâchement, par traîtrise, ce matin au bois, un coup de cravache à travers la figure. Celui qui a commis cette infamie est un misérable, dont la mort a sonné !» s'écria Fungetti. « J'y compte bien. Qui est-ce ? Une femme. »« Une femme ? Miss Eden. » Fungetti sursauta, quoiqu'il s'attendît à entendre nommer la plus belle des femmes de l'univers. La belle Flore n'attendait pas que Fungetti lui demandât comment cela avait pu se produire. Avec ce cynisme dont elle avait fait preuve lors de la première visite au clown amoureux d'elle, elle lui dit « Comme tu venais de me quitter, j'ai croisé Miss Eden. Elle m'a toisé, regardé avec mépris. Mais elle ne te connaît pas. Si, elle sait que mon amant est l'homme qu'elle a aimé. Elle est furieuse, et sachant que je le lui ai enlevé, pour se venger, elle m'a insulté en passant. » Miss Eden a fait cela, elle, si froide, si calme, si correcte, puisque je te le dis. Je lui ai répondu. Alors cette misérable a levé sa cravache et m'a frappé, puis elle s'est sauvée, me laissant seule, blessée, meurtrie, dans une allée déserte, loin de tout secours. Pleurant, gémissant, la belle Flore, admirable comédienne, se jeta dans les bras de Fungetti. Elle savait que dès que Fungetti, énamouré, sentirait la tiédeur de son corps, il serait affolé, il serait à elle aveuglément. C'est ce qui arriva. « Vois-tu, mon cher James, » dit-elle au clown ému, frémissant, « c'est quand je te reviens plus belle qu'autrefois, plus désirable que jamais, quand je suis près de toi, repentante, aimante, quand j'allais te donner tout le bonheur que tu souhaitais, quand à force de tendresse, j'aurais arraché à ton amour l'oubli des larmes passées. C'est à ce moment que cette femme me frappe. Oh, ce n'est pas seulement moi qu'elle a meurtri, mais c'est toi. Ce n'est pas que ma beauté qu'elle a brisée, c'est ton bien, c'est ta joie. C'est ce que tu avais de plus précieux au monde. Flore, oh ma Flore bien-aimée. Cela demande vengeance. Oui, tout de suite. Oui, tout de suite. Car sache-le bien, je te l'ai promis, je te le jure encore, quand tu me diras, Flore, ma bien-aimée, sois heureuse, tu es vengée. Ta Flore sera tienne éperdument, pour toujours. Et à cet instant, tout le bonheur du ciel sera moissonné par toi. Fungetti, comme tous les hommes les plus sages, les plus froids, les plus positifs, quand l'amour les prend, avait perdu la raison, le bon sens. L'ensorceleuse habile avait réussi son enchantement. Fungetti lui appartenait. Il la berçait tendrement, couvrait de baisers fous ses cheveux, son front. Il lui disait les paroles les plus douces. Comme à un enfant qui souffre, il parlait à cette femme, à ce monstre, à cette furie. Mais elle, tout en se laissant faire, tout en ayant l'air de répondre à ses caresses, de rendre tendresse pour tendresse, ne cessait de penser à sa vengeance, à sa haine, de chercher le moyen de faire du mal à Miss Eden, de la tuer, si possible. « Cependant, disait-elle, mon bon James, je ne veux pas que par amour pour moi, pour me venger, tu t'exposes, que tu cours à un danger quelconque, tu te crées un ennui. Il faut que tu sois prudent. Voyons, est-ce que tu ne pourrais pas... C'est une idée qui me passe par la tête. Peut-être ne vaut-elle rien. Est-ce que tu ne pourrais pas scier la barre de son trapèze, la fixer de telle façon qu'elle casse quand cette misérable s'y accrochera? Ah, si Miss Eden tombait du haut du cirque, si elle venait s'abattre à tes pieds, comme ce serait beau, comme ce serait bien. Oui, fit le clown, évidemment ce serait la meilleure, la plus belle vengeance, mais impossible. Pourquoi? Le trapèze de Miss Eden est en bois creux. Dans ce tube, dans cette enveloppe de bois se trouve une barre de fer. Alors en limant les cordes, comme si elles étaient usées, elles sont en fil d'acier inusable, enverrait la main criminelle. On ne te soupçonnerait pas. Je ne pourrais le faire sans être vu par le gardien. En achetant ce gardien, en l'enivrant, les agrès sont tous visités, essayés, éprouvés avant chaque séance. Il y a la loi des accidents du travail qui oblige à le faire. Eugénio est responsable. Il existe pendant un moyen. Et puis quand même, si Eden tomberait du haut du cirque, elle ne se ferait aucun mal. Pourquoi ? Elle tomberait dans le filet, qui est tout aussi obligatoire. Comme la belle Flore faisait un geste d'impatience, de dépit, Fungetti la calma. Mais il y a mieux, ma chère Flore. Il y a mieux et beaucoup plus sûr. Il y a quelqu'un qui ne manque jamais et que personne ne peut reconnaître. Quelque chose que même Paulin Broquet, tout fort, tout malin qu'il soit, ne découvrira pas. Quelque chose qui, après de longues souffrances, une torture épouvantable, donne la mort sans laisser de traces, que l'autopsie ne peut révéler, qui échappe à l'analyse du plus habile des chimistiens légistes. Un poison à toi, un poison que tu as rapporté des Indes, d'Amérique? Non. Tous les poisons, même les plus subtils, même la fameuse aquatofana des Borgia, se révèlent aujourd'hui dans les réactifs. Ce dont je te parle n'a rien du poison. C'est plus sûr que le coup de poignard. C'est comme un millier de stylets qui perceraient le corps sans qu'on puisse voir les plaies qu'ils font. La belle Flore oubliait maintenant ses souffrances, sa beauté détruite. Elle était toute à sa haine et elle écoutait anxieuse ce que lui disait Fungetti. Par avance, elle goûtait voluptueusement la souffrance qu'allait endurer sa rivale. « Dis-moi, tu peux me confier à moi seul, ce que c'est que cette terrible arme qui donne ainsi la mort épouvantable ?» Fungetti répondit, « C'est le macaroni. »